Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui écoute les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et c'est ce qu'on va faire pendant 3 heures. Aujourd'hui, c'est le spécial à tout hasard du poste d'écoute. On a reçu plein de disques qui ne sont pas classés, pas déballés. On va faire ça en direct en même temps que vous allez l'entendre, hein, pourquoi pas. On va entendre tantôt du Horror Pops, le nouvel album qu'on a reçu. On a aussi Shane Philippe, mais avant, un autre gars avec Philippe dans son nom. C'est un band qui s'appelle Jean-Philippe. L'album s'appelle Semblant d'y croire et on écoute tout de suite Je veux prendre mon char, précédé d'un beau petit rigodon dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Au 89.1 FM. On va commencer à être rigodon. Swing la vieille griffe dans le fond, la loi de la caisse. C'est une marde, ça, au début. Hey, sérieux, fais beaucoup trop mal. Continuons la recherche. Encore en germe. entre et moi je rigole. Je veux m'étendre sur le sol. Mais oh, pas tant avec notre guerre. C'est tant qui est-ce qui perd. Faut voir tout ce grabuge, croire en ce qu'on juge. Comprendre que tout est possible, que je ne suis pas ta cible. Voir la paix qui existe, tirer au moment triste. Je fais semblant d'y croire. Je veux contempler l'ivresse qui saisit à une caresse. La joie d'être intrigué, de savoir qu'on peut t'aimer. regard au nombril, un mal dans le cou, myope du cou, myope à genoux. Jean-Philippe avec Mon frère, précédé de Semblant d'y croire, de Je veux prendre mon char et l'intro qui s'appelait Régodon. Ici dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous à C'est fou 89.1 FM. Donc, ben Jean-Philippe, c'était ma foi plutôt bon. Hein? C'est son premier album. Hein? Pourquoi pas? Semblant d'y croire, un premier album de longue durée pour la formation de Québec et une première production pour le Bunker d'Auteuil, un nouveau rouage dans le développement de la scène musicale au Québec, dit-il dans leur communiqué de presse. La formation Jean-Philippe lancera son album à Montréal, Sherbrooke et Québec les 19, 20 et 21 février prochains. La formation croise les styles rock de Galaxy 500 et Noir Désir, les ambiances des années 80 et les guitares tranchantes à la Nirvana. Jean-Philippe côtoie également les sonorités abrasives de No One Is Innocent et Radiohead et les ambiances folk à la Wilco et Vincent Vallière. On peut affirmer que la musique du groupe prend racine sur une longue période d'influence musicale dans le temps tout en demeurant actuelle. Elle se démarque à l'aide de textes de qualité en français. Ces derniers dépeignent une réalité moderne et prennent position tout en étant spontanés, introspectifs et sensibles, comme si Daran chantait Serge Fiori ou Jim Morrison. C'est très gentil de leur part de se dire ça à eux-mêmes. Hein. L'album va être disponible en magasin le 19 février 2008 via le distributeur Outside Music. Donc, je rappelle les dates de spectacle. Le 19 février, c'est à 17h au Quai des Brumes à Montréal. Le 20 février, à 17h au Tapageur de Sherbrooke. Et le 21 février, 17h à La Cuisine. Ça, c'est à Québec. Si vous voulez voir les dates de spectacle et en savoir plus sur Jean-Philippe, allez voir le www.jeanphilippe.com, philip.com ou le myspace.com/ Le rock n'est pas mort. Donc, c'est Jean-Philippe avec l'album Semblant d'y croire. On passe à un autre artiste avec le mot Philippe, hein, dans son nom, le nom Philippe. On parle ici de Shane Philippe. Son album s'appelle In the Moment et on écoute à l'instant même Strange Noises. Ça se passe dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Yeah.

Plus de Shane Philippe après la pause dans le poste d'écoute. Vous syntonisez le poste d'écoute au 89.1 FM et voici une autre pièce de Shane Philippe, Where the Truth Lies. Where the truth lies, sometimes hide. Sleep inside the comfort of the light. This fantasy temporarily sets me. Truth lies, I cannot hide for long. It creeps and crashes upon the dream, forcing me to see where the truth lies. Oh, oh, where the truth lies. Shane Philippe avec Where the Truth Lies, précédé de Good Morning et de Strange Noises de l'album In the Moment. J'ai vraiment aimé ça, ça aussi. C'est bizarre, on commence l'émission par deux albums que j'ai bien aimés. La semaine dernière, si vous étiez là, on a commencé par, je pense, deux albums que j'ai dû couper tellement que j'aimais pas ça. Donc, Shane Philippe qui travaille avec beaucoup d'instruments. Sa voix, pour commencer, le didgeridoo, une guitare acoustique à 6 cordes, un kick électronique, une Weissenborn lap slide guitar, une Kona lap slide guitar, des drums djembé et une Asla Tua. Hein, c'est bien quand même. Quelques disques, 3 à son actif. Home Cooking en 2005. Home comme OM, là, jeu de mots. Earthshake en 2006 et In the Moment en 2008. Il aime bien la thématique de tremblement de terre parce que tantôt, dans son instrumentation, ça dit qu'il utilise un kick électronique Earthshaking qui fait trembler la terre. Il a joué en spectacle avec Amber Swift, May Moore, Corwin Fox, Beautiful Girls, Madagascar Slim, John Mann, un paquet de vedettes. Et puis, voilà, ben, c'est à peu près tout ce que j'ai sur ma feuille. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Ah, oh, ben non, regardons ça, il y a une critique en arrière. C'est-tu pas beau, ça? Dans un journal. Wow! Impressionnant. Non, mais sans blague, shanephilippe.com, S-H-A-N-E, Philippe, P-H-I-L-I-P.com ou myspace.com, / Shane Philippe, ça devrait pas être trop difficile à trouver sur Internet. L'album, c'est In The Moment et j'ai bien aimé ça, dont surtout la pièce Good Morning, que j'ai l'impression sent un peu le palmarès. Je sais pas si je dis n'importe quoi, mais quand même. On a entendu une fille chanter dans la dernière pièce. Maintenant, on passe à une artiste féminine et francophone. Hein? France Maisonneuve, l'album s'appelle Le Bonheur Tranquille. Et tout de suite, voici la pièce Le Goût de Vivre. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Chaque jour, j'ai choisi de rêver. Chaque jour, j'ai envie de respirer. Le goût. Tous les jours, c'est un feu qui s'éveille. À chaque instant, je m'accroche au soleil. J'ai le goût de vivre. Toi, tu n'as pas su comprendre. Tu n'as pas su me voir. J'ai peur de rien, j'ai le bonheur. les mots. Je veux que tu gravites dans mon orbite. Je veux que tu sois la mouche qui me pique. J'ai tout ce que j'ai besoin. Je flâne, j'ai peur de rien. Maison Neuve avec Le Bonheur Tranquille, la pièce titre de son nouvel album. C'était précédé de la pièce Le Goût de Vivre Fallait Pas, France Maison Neuve. De ses 10 dernières années de vie artistique, enrichissante période de création entrecoupée de premières scènes en solo et de remarquables collaborations à diverses productions musico-théâtrales, son document de presse évidemment, France Maison Neuve a retiré confiance et maturité. Une assurance qui, conjuguée d'une passion brûlante et d'un talent réel, l'a menée à la réalisation de rêves depuis longtemps chéris, celui d'offrir à son public un opus et un spectacle célébrant véritablement ses premiers pas en tant qu'auteur, compositrice et interprète. C'est au terme d'un long et singulier parcours, marqué notamment par la présence du réalisateur Toby Gendron et des auteurs André Waters, Pascal Dufour, Éric Maheu de Caen. Oh, et Sophie Nau, l'aveu de Garou. Ben, ouais, je pense que ça va finir là pour elle, hein? Des fois, ça arrive, des choses comme ça, on reçoit les disques, on les connaît pas, et puis là, on lit le document de presse et on se rend compte qu'on aurait pas dû le jouer. Il va y avoir un documentaire d'une heure à TVA sur elle à l'automne 2008, qui permettra au public de découvrir davantage ce qui séduit assurément à chacune de ses apparitions. D'accord. Donc, ben, c'est ça, elle s'appelle France Maison Neuve, l'album c'est Le Bonheur Tranquille, et on va rapidement passer à autre chose, faire comme si de rien n'était. Bob Mould! Hey, wow, un bel album de Bob Mould. OK. Donc, Bob Mould, District Line. Voilà, c'est son premier album, et ça dit son anti-premier album, qui combine le feu de ses précédentes œuvres, hein, dans Husker Du, l'accessibilité de son rock alternatif, son trio, ah wow, c'est écrit en anglais, c'est tout à l'envers, faut juste de lire ça à l'endroit, son trio qui définit le genre, il s'appelle Sugar, et l'introspection retrouvée dans ses albums solo. Voilà. Donc, District Line, premier album, et voici tout de suite la pièce Stupid Now, dans le poste d'écoute. And don't disagree. Even as we fight, it doesn't matter to me. Please listen to me and don't disagree. Even as we fight, it doesn't matter to me. We fight, it doesn't matter to me. to share with you are over now. Haven't I been enough of a fool for you? Everything I say to you feels stupid now. We'll be right back. Bumbled avec deux pièces de l'album District Line qui ouvre cet album. Stupid Now et Who Needs to Dream. Bob Mould, un artiste de 47 ans qui était dans le groupe punk des années 80. Oscar Du était dans un groupe aussi dans les années 90, un groupe de rock indépendant, c'était Sugar. Et puis il a fait une demi-douzaine de LP solo. Il s'appelle Bob Mould et l'album c'est District Line. Si vous voulez plus d'informations, allez voir son site web qui est sur le unechance.com en ce moment même ou plus tard. Je crois que ça va être un petit peu plus tard aujourd'hui malheureusement, mais le www.unechance.com. On va terminer cette première heure par une troisième pièce de Bob Mould, Again and Again. Mais avant, petit résumé de ce qu'on a joué dans la première heure. On a entendu France Maisonneuve avec Le Bonheur Tranquille. On l'a coupé un peu. Ensuite, avant ça, on a entendu Shane Philippe et In the Moment. Et Jean-Philippe avec Semblant d'y croire a ouvert l'émission. Dans la deuxième heure, un paquet de belles surprises pour vous parce qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Là, je déballe ça, je regarde, je joue au hasard. Là, c'est le beau spécial à tout hasard du poste d'écoute. Restez avec nous au 89.1 FM, c'est peu. Sometime last week, a feeling that most everything was changing for the worse. All the triggers pulled at once, so begins my ugly fall from grace again. I made myself delusional, the noble stab at staying upbeat. It was only for a while. I tried my best to radiate through hurricanes and double eights. The pair split into two. Title to the house inside the piano bench, and my lawyer's got the will. Oh, I never found the trust I needed from you. Everything you did was making me wonder. My biggest mistake was taking you back again and again. I couldn't forgive the things that you did. I'm glad it worked out for you, but you're only fooling yourself if you think you won't do it again and again. My biggest mistake was taking you back again and again. I couldn't forgive the things that you did. Glad it worked out for you, but you're fooling yourself. Fooling yourself if you think you won't do it again and again. Thank you. Bon retour, c'est la deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois. En même temps que vous, dans cette deuxième heure, on va entendre Francis Alain. Hein? Mais avant, on commence par un groupe qu'on a bien aimé à C'est Fou il y a quelques temps, il y a quelques années même. C'était Horror Pops. Ils avaient de très bonnes pièces dans le palmarès. Ben, ils nous arrivent avec un nouvel album, Kiss Kiss Kill Kill. Et les voici tout de suite avec Thelma and Louise. Assez intéressant, ça. Ça commence maintenant au poste d'écoute au 89.1 FM. Give her a smile. Hey, pointed shades, wind on my face. I light a cigarette. Engine is roaring, and roads are steaming. Hearts are glowing, freedom is forever. Angels cannot fall and devils won't be put. We're just gonna. Nothing is denied. The sky's our guide, and we cannot be confined. No. Just like Thelma and Louise. Power Pops avec l'album Kiss, Kiss, Kiss, Kill, Kill. Oui. Kiss, Kiss, Kill, Kill. Kiss, Kiss, Kill, Kill. Deux pièces, trois pièces même aujourd'hui, tiens. Thurman Louise, Misfit et Boot to Boot. Hein? Power Pops, nouvel album qui sort le 5 février 2008. C'est un groupe de Los Angeles de pop, punk, pop et psycho Billy. Les membres sont Patricia à la bass et la voix, Necroman à la guitare et la voix, et Niedermeyer à la batterie et la voix. Il y a Power Pop TV sur le myspace.com/thehourpops. Ils ont entendu dans une des pièces qu'il y avait un hommage à Madness et leur pièce Our House. C'est très drôle. Power Pops qui a passé un bon moment sur les palmarès de ses fous anglophones il y a quelques années avec plusieurs pièces de leur précédent album. Celui-là est très très beau aussi avec des genres de vieux posters de films. Là. C'est très joli. Power Pops, l'album Kiss, Kiss, Kill, Kill. Si vous voulez plus d'informations, c'est ourpops.com ou myspace.com/TheHourPops. On continue un spécial à tout hasard du poste d'écoute où j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Là. Je joue tout ça complètement au hasard. Le prochain, j'ai même pas regardé c'était quoi avant de le mettre dans le lecteur. C'est un gars qui s'appelle Francis Alain, H-A-L-I-N. Et puis, il nous a envoyé deux pièces à l'ombre de ma vie. À l'ombre de ma vie. Ah ouais, OK. Et Amuse nos âmes, on dirait. En tout cas, on va voir si c'est bien ça. Il va le chanter. J'imagine qu'on va voir si c'est peut-être à l'ombre ou à l'aube. En tout cas, ça doit être quelque chose comme ça. Le voici tout de suite, Monsieur Alain, au poste d'écoute au 89.1 FM. Le grand champ très vert et très désert. Le grand champ de trèfle vert dans ma main palpitante. Ce grand champ se délie une fois pour toutes et regagne le lit de la rivière bleue à tes côtés. À tes côtés, l'eau coule, déroule sur le tapis. Une statue abandonnée roucoule dans la nuit. Tu m'abandonnes, je me livre à l'orage qui m'auréole. Et les chercheurs d'or requêtent l'air pur autour de ton corps. Ce n'est pas l'altitude des montagnes, ce n'est pas la profondeur de l'océan, ni la chaleur des volcans qui me fait frémir. C'est toi et les saisons glissent sur mon présent. Et j'ai perdu pied à la terre tellement tu es légère. On n'écoute pas ce que je dis ici. Je parle pour vous et je parle pour moi seul ici. Je parle à tes silences qui se font jour. Dans mes habitudes, cette habitude que j'ai de te regarder. Cette habitude que j'ai de te regarder quand tu es absente. Et le bruit de la chute d'eau dans tes prunelles s'accentue, s'accentue, s'accentue, s'accentue, s'accentue. C'est toi et les saisons glissent sur mon présent. Et j'ai perdu pied à la terre tellement tu es légère. Mais on n'écoute pas ce que je dis ici. Je parle pour vous, mais je parle pour moi seul ici. Étions assis sur ce vent et il y avait un banc. Tu me parlais dans ta langue, je te répondais dans la mienne. tiédeur de l'air et la tiédeur de l'air. Et fais tes cheveux si tu veux, mais surtout lis-moi ton poème. Fais tes cheveux si tu veux, mais surtout lis-moi ton poème. Et amuse nos âmes, et amuse nos âmes, et amuse nos âmes, et amuse nos âmes. Et amuse nos âmes. Francis Alain et Amuse nos âmes, précédé d'une pièce nommée À l'ombre de ma vie. Oui, j'ai réussi à voir que c'est À l'ombre de ma vie sur son MySpace. Donc, c'est un artiste de Montréal, un artiste acoustique rock trash. Francis Alain chante les poètes, dit sa biographie. Il est aussi auteur, compositeur, interprète et poète québécois. Francis est actif au niveau de la chanson et la poésie depuis plusieurs années. Il a présenté plusieurs spectacles bénévoles tant à Montréal que dans le reste du Québec, mais également en France, en Espagne et aux États-Unis et d'Amérique. Pourquoi pas? Ensuite, j'ai perdu ma ligne. Et voilà, ça sent bien. Ce dernier est encouragé par la ministre de la Culture et des Communications, Lynn Beauchamp. Ses spectacles ont reçu l'appui notamment de Louise Beaudoin, ex-ministre de la Culture et de la Francophonie du Québec. Francis Alain est récipiendaire d'une bourse spéciale de la Fondation des élites de Saint-Bruno de Montarville pour sa contribution à la vie artistique de sa région. Diplômé en création littéraire, Francis Alain a fait l'objet d'un court-métrage « J'aime pas dormir » présenté pour la première fois au Festival international de films de Montréal en 2005. Côté poésie, il chante ses poèmes, il les guitarise poétiquement comme il dit, mais est surtout connu pour sa version chantée de « À l'ombre de ma vie » de Roland Giguère. D'accord, donc c'est une reprise, ainsi que ses interprétations, oui, des poèmes de Gaston Miron et René Char. Il a publié plus d'une trentaine d'articles dans diverses revues. Si vous voulez voir le reste de la biographie, allez voir le myspace.com/... Francis Alain, voilà, H-A-L-I-N, un artiste de Montréal. Il y a plusieurs pièces de lui à entendre sur son MySpace, qui est vraiment tellement pimpé que je ne sais même pas comment me retrouver là-dedans. Donc voilà, Francis Alain. On passe à un artiste anglophone maintenant. Son album s'appelle In Transit. Lui s'appelle James Murdoch. J'aime bien sa pochette de son album, qui est fait comme une map, une carte de train ou de métro, ou peu importe, avec des numéros de je sais pas, de train ou de... On s'en fout. James Murdoch, In Transit, spécial à tout hasard du poste d'écoute où on fait absolument n'importe quoi. C'est... Oh, c'est fou, 89.5. C'est ici. Vous êtes ici. That reminds me of a time when fear clung to my body, overpowering my mind. It was something in my nature that I took for granted there. I could have fought the instinct, but instead I didn't dare. Downcast eyes, they see no sky. Why not try until you get what you deserve? Oh, you get what you deserve. I flew across the ocean to another continent, a stone's throw from another, but I forced my own content. That conviction didn't stick, and now I'm living with regret. I guess actions equal outcomes. See the message in this mess. Downcast eyes, they see no skies. you deserve. Oh, you get what you deserve. Oh, I almost lost my nerve. Oh, you get what you deserve. Oh, and all that ends well never ends well at all. In case you can't tell, I don't need to watch you fall. Always cracked a smile, claiming inspiration from a long forgotten style. At the heart of controversy, always at someone's expense. When it came down to the judgment, no one ran to my defense. Oh, you get what you deserve. Oh, you get what you deserve. Lost my nerve. Oh, you get what you deserve. Oh, you get what you deserve. You get what you deserve. I almost lost my nerve. Retour plus de pièces de James Murdoch dans le poste d'écoute. Vous synthonisez le poste d'écoute et tout de suite voici une autre pièce de James Murdoch et son band. L'album c'est In Transit et voici la pièce Kings and Queens au 89 FM. Turn, look over your shoulder and see the reflection of how we used to be. There used to be spaceships and submarines, but now just what-ifs and could-have-beens. We used to dream anything was possible. We could be kings and queens, ruling our own destiny. The future came near, watched our dreams disappear. Held on to all our fears. We let the kingdom fall. Rewind, taken back in time. Erase these lessons and lines. Treasures in places, forgotten like yesterday's news. We used to dream anything was possible. We could be kings and queens, ruling our own destiny. As the future came near, watched our dreams disappear. Held on to all our fears. The kingdom fall. Paint a picture from memory. Drawing outside the lines. Tracing history every time. Thank you. James Murdoch avec la pièce Kings and Queens de l'album In Transit, précédé de Get What You Deserve. Ça, c'est un tout nouvel album qu'on a reçu cette semaine et on l'a écouté pour la première fois en même temps que vous. James Murdoch Band, Acoustic Pop Rock de Edmonton en Alberta, donc c'est un groupe canadien. James Murdoch, David Aid, Chris Chuckles, Bardner Chuck et Nathan Kroll sont dans ce super band. L'album est produit par Oxy Workman et puis il dit que c'est son album le plus mature et le plus ambitieux jusqu'à maintenant. Hein, il faut entendre les nouvelles pièces, dont le single Give Me Your Love sur MySpace au myspace.com/JamesMurdoch. Doc O-C-H à la fin. Les liens seront plus tard un jour sur le www.unechance.com, site qui ne fonctionne pas en ce moment comme toujours. James Murdoch In Transit, c'est le nom de l'album. On passe à un autre artiste, je ne sais pas d'où il vient, parce que je vous rappelle qu'on est en plein milieu du spécial à tout hasard du poste d'écoute. On ne sait pas ce qui s'en vient. On regarde les pochettes et puis c'est super beau. J'accueille Danny Janvier qui est là puis qui dit rien, mais il est là. Je l'ai pas présenté pour ceux qui ne parlent pas, j'imagine. Ben non, mais c'est pas grave. C'est sûr que je vous ai pas parlé comme ça, là. Me déranger dans mon flow. Dans ton flow. Mon flow. Dans ton flux. Oh, ouais. Mais oui, c'est ça, j'aime ça. Tantôt, je t'écoutais à la radio et puis, non, c'est le fun, le petit côté. Là, tu sais vraiment même pas quel style de musique, c'est rien. Ben, depuis qu'on a commencé le poste d'écoute, je l'ai fait quand même dans un désordre. Je mets plus d'ordre, le francophone, okay. Puis ça. Mais d'habitude, je sais qu'est-ce qui est écrit sur le côté, que c'est canadien ou alternatif. Là, je le sais pas en tête, là. Pour des raisons d'ordre technique. C'est ça. Là, c'est excitant. Là, c'est excitant de voir ça de même. Fait que là, c'est vraiment les pochettes qui jouent le jeu. Exactement. Et regarde-moi ça, comment c'est beau. Ça, il y a un orignal. C'est très beau. Ça me fait penser à certains trucs. Moi aussi, ça me fait penser à quelque chose qu'on va écouter un petit peu plus tard dans le poste d'écoute. Hein, j'aime bien ça, les chevreux. Du bio-bizarre. Bio-bazar, je sais. On niaise là-dessus, nous autres. Bio. Bio, hein. Comme ce qui flotte sur la mer. Sur le fleuve. Sur le courant d'eau. Bio-bizarre. Bio-bizarre. Non, Bio-bazar Sainte-Cécile, on va écouter ça dans la troisième heure. Mais pour l'instant, on écoute un autre album avec un orignal dessus. C'est John McKeel. The Nature of Things, c'est le nom de l'album. Et la pièce s'appelle War on You. War, what is it good for? Absolutely nothing. It's war on you. War. Pas fort, hein? Call up the Coast Guard, call the cops. I'll tell you what I told them to. Just don't tell them what I've done to you. The cocaine choir, they sing at night. They don't see you right. And I would never lie. And I want you tell me to. It's a war on you. A war on you. Cocaine choir, they sing wide-eyed under an old street light. They do not see you right. I want take me outside to set me free. I've got a rescue written all over me. I've got a rescue written all over me. Just take me outside to set me free. What the faith will do to them, they don't know just what the faith will do. Like to breathe through a lit cigarette and then shooting the breeze. They don't know what's happened to me. Just take me outside to set me free. What the faith will do to them, they don't know just what the faith will do. Et bien voilà, ça c'était notre bon ami, très bon ami. J'aime ça, et bien voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup les animateurs qui font ça, c'est fou, il y en a beaucoup. Assez. Ouais, fait que c'était ça là. Et bien voilà. Ça fait vraiment très... on s'attendait pas à ce que la toune finisse pantoute. Donc c'était notre ami John McHale avec l'album The Nature of Things, un petit peu de professionnalisme là. Les pièces War on You et puis 1, 2, 3, My Friends. Hein? Pourquoi pas? On va aller chercher un petit peu, tiens, tant qu'à ça, sur MySpace pour voir s'il n'y a pas des informations sur John McHale dans ce spécial à tout hasard là, du poste d'écoute. Au moins, les gens vont me pardonner notre absence d'esprit. Donc, John McHale, un petit peu de indie pop. Il vient de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un autre artiste canadien. On en a quand même pas mal cette semaine. Indie pop. John McHale, Josh Cogan, Corey LeBlanc, Mike Dion et Colin Crowell sont dans ce band-là. JohnMcHale.com, J-O-N, et puis McHale, je vais vous laisser le chercher. M-C-K-I-E-L. Et puis, ils vont être en spectacle en Ontario et puis en Nouvelle-Écosse à travers les mois qui s'en viennent. Aussi au Nouveau-Brunswick, ils vont faire un petit tour là-bas. Donc, dans l'Est du Canada, on pourrait dire. Vous pouvez aller entendre des pièces dont War on You et 1, 2, 3, My Friends sur le myspace.com, Barbie John McHale. Et puis c'est ça. C'est John McHale. Je l'utilise assez souvent. C'est qui? John McHale. Ah, ok. Oui. L'album, c'est The Nature of Things. J'avais pas compris. T'avais pas compris, hein? Non. André Waters, on joue pas ça, hein? Non. Avec Sylvain Cossette, je pense, en plus. Non, c'est ça. La pièce Minuit, ça a l'air très, très bon. On va sauter par-dessus. C'est vrai qu'il est cute, par exemple. Ben oui. Ouais. Un beau petit style. Et je pensais pas que tu t'en allais dire ça. Elle a un beau petit... Oh, Danny! Oh, là, t'es vulgaire. Là. Ben, j'espère. Elle a un beau petit Waters. Puis, moi, je trouve qu'elle a plus l'air d'une actrice de téléroman que d'une chanteuse. Elle devrait en faire, justement, du téléroman. Elle est peut-être bonne actrice, on sait jamais. Hein? On ne sait jamais si c'est très bonne dans plein d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien. Y'a rien. On s'en va entendre, là, je sais pas si c'est le nom du band ou de l'album, hein, mais ça a l'air d'être Interland, le nom du band, on va dire. Puis Pan Pan Medico, le nom de l'album. Hey, bon, ça a l'air intéressant, en tout cas, il a l'air joli. Je sais pas, ça a l'air space. Je sais pas, il y a des femmes avec des burkas. Il y a un gars qui a l'air de dater de 1950. Mm. C'est-tu un éléphant, c'est quoi ça? Un éléphant. En tout cas, c'est spécial, c'est vraiment bizarre. Il y a des plus partout, des beaux petits plus. Et on s'en va entendre la pièce Detwiller Pavilion. Tout de suite, au poste d'écoute à tout hasard. Au 89.1 FM, dans vos oreilles. Just La formation canadienne Interland avec 300.6 précédé de Detwiller Pavilion de leur nouvel album Pan Pan America. Interland, un groupe de indie shoegaze New Wave de Vancouver en Colombie-Britannique. Les membres sont Michaela Galloway, John Lucas, Rob Johans, Greg Stevenson et Greg Williams. Et puis, il n'y a pas grande information sur eux, mais leur MySpace est au myspace.com/interland, H-I-N-T-R-Land, ou encore interland.bc.ca. Je n'étais même pas au courant que la Colombie-Britannique avait son propre nom de domaine, comme le QC.ca, mais BC.ca, j'avais jamais entendu ça. Ben, moi non plus. Bizarre. Hey, tantôt, là, on parlait d'André Waters qu'on a reçu là, en album, en nouveauté, qu'on fera pas jouer, évidemment, parce que c'est pas notre créneau. Mais c'est, en fin de compte, Sylvain Cossette qui fait... Ah, tantôt, j'avais dit quoi, Bruno Pelletier? Bruno Pelletier, c'est ça? Ben, c'est la même gang. Ouais, puis là, moi, j'essaie de chercher c'est quoi l'autre gars qui y ressemble, là, qui a le même nom, là, là. Puis là, c'est, en fin de compte, c'est Daniel Bélanger. Moi, j'ai confond parce que Sylvain, Daniel, sauf que Bruno... Sauf que Bruno puis Sylvain, eux autres, c'est vraiment de la merde. Ouais. Daniel Bélanger, c'est pas tard. Non, mais reste qu'ils ont des cheveux, de la gang, là. Oh, et puis des bras, pis tout. Ils ont une face, aussi. C'est pas comme si on parlerait de Martin Deschamps. Martin Deschamps. Danny! Oh, c'est méchant! Danny, là! Mais je l'aime, Martin Deschamps, en plus. Ouais. Oh, elle sait. Faut voir sa face pour ça. Oups! Sa réputation à Danny vient de crouler, et puis tous ses projets marcheront plus. Mais non, mais c'est parce qu'on venait de dire que l'autre, il y avait des bras. Dans la deuxième heure, on a entendu, on va faire un petit résumé, on a entendu Horror Pops, on a entendu leur album, c'est Kiss Kiss Kill Kill, on a entendu Francis Alain, James Murdoch, John McKeel et Interland. Dans la troisième heure, un paquet de surprises, et on se quitte avec une troisième pièce de Interland. Hey, excusez-moi. Somatoforme. Je sens super mal. Ben, je te comprends donc, je voudrais pas avoir fait cette blague-là. Une chance, je l'ai pas fait. Ouf. La semaine prochaine, je co-animerai seul. Sûrement. Pas vrai, ça. I think they missed it. have left. On est en direct? On est en direct, ça? En direct? En direct. On est en direct ici. C'est le Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Jusqu'à maintenant, dans l'émission, on a entendu tellement de choses diversifiées, là. C'était écœurant. Moi, je dirais diversifiante. Diversifiante. Fallait être là pour ça, sinon vous avez raté quelque chose. Mais cette troisième heure va être aussi bonne. On va entendre des choses telles que Jane Vane and the Dark Matter, Newton Faulkner, et puis Jean-Paul de Rover avec son album Dichotomie. Tout ça plus tard, mais on commence par un ami de ces fous. Très bon ami. Il n'y a pas de bloc fidèle au poste encore cette semaine, mais il vient nous présenter son nouvel album Bio Bazar, Danny Janvier. Ça s'appelle Sainte-Cécile, cet album-là. Allô, je vais vous dire, c'était un album pourri, j'ai détesté. Vraiment mauvais. Ouais, donc Sainte-Cécile, Bio Bazar, c'est quoi ce Bio Bazar? Ben parlons-en, il y a un beau petit texte sur le site, j'ai pas le choix de le lire, il est tellement beau. Bio Bazar, c'est un projet de musique électro-ambiant psychédélique piloté par Danny Janvier, qu'on connaît aussi sous le nom de DJ Tectonic et de Tectonic Veda, producteur, kinoïte et artiste multidisciplinaire évoluant sur la scène électro-underground québécoise depuis 1998. En 10 ans, déjà. Je suis vieux, hein? Très vieux, Danny. Digne héritier de pionniers de la musique électronique comme The Orb, Bio Bazar exploite à merveille les possibilités infinies de ce style hybride qui ne cesse de révolutionner les conventions établies. On va commencer par quelques pièces. On parlera encore de Bio Bazar plus tard, mais il faut aussi parler du spectacle. Oui, ben c'est pas un spectacle, c'est plus un lancement d'album. Okay. Il y aura une petite prestation DJ, bien sûr. C'est chez nos amis du Charlot. Oh. C'est mercredi prochain, le 30 janvier. C'est ça, cette année, je me suis fait plaisir. Un lancement partout, Québec, Montréal et Trois-Rivières. Et ça commence bien sûr par Trois-Rivières, ma petite ville ici même. Mmh. Donc, ben, c'est ça, tantôt, si tu veux, on en reparlera. On s'en va écouter les pièces René et les mini-jupes. OK. Avec à remarquer le sampling de René Lévesque qui nous parle des mini-jupes. Que lui, si c'est sur une belle jeune femme ou une jeune fille ou jeune femme, c'est correct, sauf que ça peut causer des accidents. Ah, ben, c'est tout à fait vrai. La pièce Nadam ensuite, donc on va aller écouter ça tout de suite au poste d'écoute. C'est une jeune fille ou une belle jeune femme et qu'elle a de jolies jambes. Je trouve ça parfait, mais ça ajoute à... Remarquez que ça en ajoute tellement que c'est sûr que ça ne peut pas durer très longtemps. Il va falloir qu'il y ait une réaction comme ça. Mais pour l'instant, je trouve ça parfait. La seule chose, c'est que ça cause des dangers d'accident. Thank you. deux pièces du nouvel album de Biobazar Sainte-Cécile dans le poste d'écoute. Et Danny Janvier est l'homme derrière Biobazar. Oui. Il est avec nous en ce moment même pour en parler. Et oui, Sainte-Cécile, hein, c'est tout indiqué, ce petit quartier assez connu de Trois-Rivières. Huppé. Le quartier huppé de Greenwich Village. De Trois-Rivières, finalement. Ah, c'est ça. Ou les petits cafés trendy. Oui, c'est ça, exactement. Les Starbucks, c'est tout coin de rue. Le plateau. C'est ça. C'est le plateau de Trois-Rivières. Donc, c'est ça. L'album que j'ai intitulé Sainte-Cécile parce que, effectivement, je reste là. J'ai resté depuis des années dans ce quartier-là. Et je trouvais que à faire de la musique dans ton sous-sol, ça s'imprègne du quartier, ça s'imprègne du coin. Tu sais que maintenant, si quelqu'un veut te tuer, je vais te chercher sur Sainte-Cécile. Exactement, exactement. Puis, c'est ça. Tu fais une mauvaise critique de Martin Deschamps. Martin Deschamps veut me tuer, il va pouvoir me trouver facilement. Cherchez-le sur la rue Sainte-Cécile, la 3e. Donc, c'est ça. Moi, je vous invite tout simplement à venir me voir le mercredi 30 janvier au Charlot. Venez écouter l'album avec nous. Je vais sûrement avoir le temps de finir les projections parce que je vais sûrement avoir des projections vidéo. Et ça, c'est si la fin de semaine va bien, en tout cas. Ouais. Bon. Parlant de vidéo, sur reverbnation.com/biobazar, Danny, on peut retrouver des vidéoclips et les pièces de l'album Sainte-Cécile. Quelques pièces de l'album Sainte-Cécile? Non, pas encore. Sur MySpace. Sur MySpace, non plus. Non plus. Ben voyons, en ce moment, il y a juste les pièces pour les deux prochains. Okay. Les deux premiers albums que j'ai sortis, Exode Pixo Anaco puis Parapsy Volume 1. Parce que la sortie est officielle le 28 janvier, donc lundi. C'est un avant-première ici, assez fou. Puis je voulais que ça sorte en même temps. Je voulais pas que ça soit disponible tout de suite, l'album Sainte-Cécile, tant qu'il n'est pas sorti sur iTunes et tous les autres magasins de musique en ligne. Donc, si vous aimez ça, vous allez pouvoir l'acheter à partir de lundi un peu partout sur la planète. Mais on peut quand même aller sur ces sites-là pour entendre des pièces de toi quand même. Oui, il y a plein d'extraits sur myspace.com/biobazar ou MySpace... reverbnation.com/biobazar. Et pour les gens qui se demandent Reverb Nation, c'est le prochain MySpace qui va fonctionner comme assez bien. Disons que je pourrais le prédire. Ouais, ça a l'air vraiment génial. C'est le site de musique qui va avec Facebook. Et Facebook est très inconnu, qui marche pas du tout. Non, mon petite binerie, ça. C'est ça. Mm-hmm. Petit truc inconnu, là, obscur. Voilà, donc myspace.com/biobazar ou reverbnation/biobazar, BIOBAZAR. Allez-y et présentez-vous au Charlot. Oui, puis inscrivez-vous sur ma mailing list, je vous donnerai des nouvelles. D'accord, merci Danny Janvier. Merci à vous autres. Bazar, c'est très très bon. On passe à un autre groupe, on n'a aucune idée ce que c'est par contre, parce que dans le spécial à tout hasard du poste d'écoute, et on passe à Jane Vane and the Dark Matter. L'album c'est Love is Where the Smoke Is, et on écoute tout de suite la pièce Don't Mind Us. Dans le poste d'écoute, on écoute ça pour la première fois, là, tu sais. On sait pas ce qu'on fait, là, ça paraît, tu sais... Non, ça paraît pas, t'es pro. Ouais. Une autre pièce de Jane Vane and the Dark Matter plus tard dans le poste d'écoute au 89 FM à Trois-Rivières. Vous synthonisez le poste d'écoute pour encore une trentaine de minutes et voici une deuxième pièce de Jane Vane and the Dark Matter. C'est I'm So Afraid au 89 FM. C'est fou! C'est long de se réveiller, t'sais. Ça arrive. Quand t'es bien endormi. Il y en a des plus rapides que d'autres. Jane Vane and the Dark Matter. L'album, c'est Love is Where the Smoke Is. On a entendu deux pièces. On a commencé par Don't Mind Us et ça, c'était I'm So Afraid. Deux pièces de ce nouvel album du groupe qui vient de Calgary, en Alberta. L'album sort le 29 janvier. C'est de l'indie électro-pop. Les membres sont Jamie Fuchs, Dylan Whitfield, Britt Proulx, Sean Dicey, Jared Larson et Marcus Lake qui vont être en spectacle à Montréal au Zoo Bizarre à 20h le 11 février. 11 février, 20h, Zoo Bizarre de Montréal. Faire entendre des pièces dont Don't Mind Us et plusieurs autres sur myspace.com/JaneVaneMusic, Jane Vane's Music, V-A-I-N-S, Music. ou encore sur leur site au sur le site de l'étiquette au rectanglerecords.com. Donc James Vane and the Dark Matter, l'album c'est Love is Where the Smoke Is. On continue avec un EP, un maxi, quelques pièces seulement, 4 pièces de Newton Faulkner. Il y a une pièce qui s'appelle Dream Catch Me et on va l'entendre à l'instant. OK? Merveilleux. OK. Ah. Pas dur à convaincre, toi? C'est... facile. Every time I close my eyes, it's you, and I know now who I am. Yeah, yeah, yeah. And I know now there's a place I go when I'm alone. Do anything I want, be anyone I wanna be. But it is us I see, and I cannot believe I'm falling. That's where I'm going. Where are you going? Hold it close, won't let this go. Dream catch me, yeah. Dream catch me when I fall, or else I won't come back at all. So track. and I know why you're thinking. Avec son EP et deux pièces Dream Catch Me, puis All I Got, Everyone Is You. Dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Il nous reste pas beaucoup de temps, une dizaine de minutes à l'émission. On va parler un petit peu pour commencer de Newton Faulkner, un artiste du Royaume-Uni, un auteur, compositeur, interprète, guitariste, rock alternatif acoustique. Hein, quand même. Quoi de plus? Quoi de plus, en effet. NewtonFaulkner.com ou MySpace.com, arabic Newton Faulkner. Et c'est un gars de 22 ans, un Anglais, qui écrit avec un sourire et des dreadlocks phénoménales, dit sa biographie. C'est vrai qu'il ressemble vraiment à un animal de cirque. Non, c'est pas vrai. pardon, à un lion. Mais on a dit de quoi encore? Si tu peux... Dis pas, vexe pas encore quelqu'un, toi. C'est ça, justement, je me suis battu. Pas la même personne non plus, surtout. D'accord. Donc, allez voir sa photo sur son MySpace. Il est nominé comme artiste solo britannique au Brit Awards with Mastercard 2008. Ça va être le 20 février, si on va voir s'il va gagner. Donc, c'est Newton Faulkner. Ça, c'est un EP. C'est trois pièces qui viennent de l'album And Built by Robots qui s'en vient bientôt sur Aware et Columbia. Mm-hmm, voilà. Et aussi, sur le EP, il y a une version acoustique de Dream Catch Me. Bon, si on avait le temps, on l'écoute très bien. On va continuer avec un autre artiste, Jean-Paul de Rouvert. Son album, en fait, un autre EP, là, s'appelle Dichotomie. Son site web, c'est jeanpauldrouvert.com, R-O-O-V-E-R.com. On va entendre tout de suite la pièce Junior. Au poste d'écoute au 89.1. FM. Junior, De Rouvert avec Junior de son hippie Dichotomie dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. C'est déjà la fin de l'émission. On va faire un petit tour de ce que c'est Jean-Paul de Rouvert. C'est de l'expérimental indie acoustique qui vient de Thunder Bay en Ontario. Si vous voulez plus d'informations, c'est jeanpaulderouvert.com ou myspace.com/Jean-Paul de Rouvert. Dans la troisième heure du poste d'écoute, on a entendu plein de choses. On a entendu du Bio Bazaar, hein, l'album c'est Sainte-Cécile, Jane Vane and the Dark Matter, l'album c'est Love is Where the Smoke Is. On a entendu Newton Faulkner avec son hippie et finalement Jean-Paul de Rouvert avec Dichotomie. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Danny, merci d'être passé. Merci à toi de ta présence, Mathieu, si professionnel. Touchant. Je vous retrouve à la connexion, l'émission la plus rapide au monde, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis à 11h et les mardis à 9h. Dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h. Et évidemment, ben, le poste d'écoute, l'émission que vous écoutez en ce moment, c'est les vendredis matins à 10h et les samedis et mardis de 13h à 16h. Très belle heure, ça. Faut être là pour ça. On va se quitter avec une dernière pièce de Jean-Paul de Rouvert qui s'appelle Catharsis. Et jusqu'à la semaine prochaine, ben, de la part de Danny Janvier, de Mathieu Plante, de toute l'équipe fictive du poste d'écoute, faites attention à vos genoux. Bonne journée. Et bonne chance! When Mother Nature bleeds red blood, then there is something wrong. Things have gone on this way for far too long. You must give in, surrender to whatever she desires. I will not sit idly by.